3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Et oui, on est encore là pour l'épisode 85, le dernier de la saison régulière. Et ben oui, parce qu'après il y aura autre chose. Il y aura le printemps, il y aura le playoff. Et ça, on va se mettre en mode playoff dans pas très longtemps. Faut quand même qu'on débriefe l'actualité des Orange and Blue, la planète Knicks, avec Seb. Seb, comment tu vas? Mieux? Bah écoute, oui, ça va. Oui, voilà, l'excès de Pâques est passé. Maintenant, on se dirige tout droit vers les joutes de post-season. Les ponts du mois de mai, tout ça. Les beaux jours au mois de juin. Enfin, bref. Les beaux jours arrivent. On va voir ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue. Il y a, comme à chaque fois, beaucoup de choses à se dire. On perd pas plus de temps. On lance le jingle et c'est parti sur l'épisode 85 sur KNF TV. Let's go. Alors une semaine avec une actualité encore une fois très dense. Ça a beau arriver dans la dernière ligne droite de la saison régulière, les moins de 10 matchs à jouer, certes. Il va y avoir une grosse semaine, il y a eu une grosse semaine. On vous a annoncé la KNF Viewing Party, la dernière de la saison qui arrive ce dimanche 14 avril au Hideout, vous le savez, pour une affiche à 19h. On vous accueillera à partir de 18h30 au Hideout Paris Gare du Nord. Et ça, ça sera l'ultime, le 82e match de saison régulière. La semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses. On a eu des bonnes, on a eu des mauvaises nouvelles, on a eu des surprises, on a eu des victoires, on a eu des défaites, on a eu un peu de tout. Alors du coup, on va regarder ce qui s'est passé. Il y a eu du bon et du moins bon. Et au rayon du moins bon, eh bien ça y est, c'est officiel. Julius Randle, sa saison régulière, elle est finito, terminée. Il ne reviendra pas. Il a essayé, il a fait les efforts en termes de rééducation pour revenir, pour essayer de ne pas passer sur le billard et donc ne pas se faire opérer par rapport à sa dislocation d'épaule. C'est comme ça qu'on dit. Malheureusement, eh bien, ça devait être des absences, une absence qui devait se compter que en semaine et pas en mois. Ça faisait déjà 2 mois. On attendait, on se demandait si ça allait revenir. On le voyait s'échauffer, on le voyait prendre des shoots. Ça avait l'air plutôt aller d'un point de vue expert body language que nous sommes. Mais finalement, bah non, le couperet est tombé, la wedge bomb est tombée. C'était quoi, dans la nuit de jeudi à vendredi? Dans la journée de jeudi, je ne sais plus. Bref, ça nous a un petit peu chamboulé tout ça. C'est avant le match face aux Bulls. Et c'est officiel, la saison est finie pour Julius. Il n'y aura pas de playoff non plus. Il va devoir repasser à l'opération. Enfin, repasser, passer par une intervention chirurgicale. Et on parle d'une évaluation quand même d'ici plus de 5 mois. Donc ça sera un retour, pas tout de suite, en Orange and Blue. Il a, semble-t-il, repris quelques entraînements avec contact, au moins un, et il s'est reblessé. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de la saison pour Julius Randle. Ça va laisser un goût d'inachevé, forcément, cette saison, le concernant. Il avait fait un début de saison, on le rappelle, en mode réhabilitation, et il revenait doucement après sa blessure et son opération de l'été dernier, parce qu'il avait été touché à la cheville. Et là, il termine la saison avec une blessure à l'épaule. On n'aura pas de playoff Randle, parce que c'est un bon, un mauvais signe pour les Knicks. Forcément, c'est un All-Star, un triple All-Star, hein, Julius Randle. Ça va manquer quand même à New York. Mais bon, ça fait un moment qu'il joue sans. Qu'il joue sans Julius. Il y a quoi? Il y a 45-46 matchs joués pour Julius cette saison. Il y a cette saison, je vais te le dire tout de suite, on est sur 46 matchs joués. On est 46, une grosse 46... moitié de saison, quoi. On est sur 46 matchs avec 24 points de moyenne, 9,2 rebonds. Tu as également 5 passes, tu vois. Donc tu te passes d'un mec en 24, quasiment 24-15, qui shootait mieux. Le shoot à 3 points, il était à 31%, mais déjà il jouait plus à l'intérieur. Il concernait bien ses copains. Enfin, ouais, c'était le Julius MIP, quoi. C'est le bon Julius. Le bon Julius de saison régulière. Julius en playoff, on l'a jamais vu encore. Et malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Donc c'est dommage. Alors lui a essayé de le prendre un peu avec philosophie. Et voilà, disons que Tout ça, ce n'est qu'un voyage. Bon, bah, le voyage est un peu chaotique pour Julius à New York, même si par moments il y a des éclaircies. Il se dirait que il se murmurerait que en fait il se soit refait mal pendant sa période en fait de convalescence entre Convalescence, guillemets quoi. quoi, et que il aurait peut-être un peu trop forcé son envie de revenir et en fait à un moment donné ça aurait pas tenu. Alors après coup c'est facile, j'ai lu ce que Ian Begley a dit. Visiblement, il y en a certains qui étaient partisans qu'il se fasse opérer immédiatement et que peut-être avant les playoffs, il aurait été de retour. Mais enfin, visiblement, il y en a pour 5 mois. C'est ce qui se dit en fait, puisque là, il va se faire opérer, donc ils refont le point dans 5 mois. Donc ça va être juste après donc les training camps. Donc même si c'était fait opérer en février, il aurait jamais été prêt à temps quoi. Parce Bah, que plus 5 au si mieux, on regarde les tu termines en Bah, ça fait en juillet, juillet, pardon. quoi. Donc, Bah, donc ça aurait pas il aurait été là plus pour... Et été quoi? rapide. Et on parle de Donc... réévaluation, on parle pas de ça y est, il sera clearé pour jouer. Donc ça peut prendre du temps et on espère que Au sa final... rééducation derrière sera bonne, quoi. Au final, lui était celui qui devait reprendre le plus vite des trois blessés. Bah, c'est celui qui est out. Mitch, c'était celui avec le plus gros point d'interrogation qui peut-être ne devait pas reprendre. Il a repris. Il est revenu Et le premier. OG, il fait des voyages. Bon, touche du bois. Touche du bois. Je touche du bois de partout. La peau de singe. Enfin, ce que vous voulez, mais on touche Ça a tout l'air ce qu'on peut. On croise les doigts pour espérer que la rupture de OG soit définitive. Mais en tout cas, Julius, Voilà. c'est fini. Donc, on ne le verra plus Ah, c'est triste. cette saison. Est-ce qu'on le verra encore sous le maillot Orange and Blue? Ça, c'est une autre histoire. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, un peu de tristesse et le collectif qui avait un petit peu préparé le terrain avec Josh Hart qui disait, bon, faut peut-être s'attendre à ne pas le Il y retrouver avait eu ses des blessés. chats qui prennent tout leur sens maintenant, quoi. Maintenant, on comprend un peu mieux ces déclarations. Je pense que la décision, elle a pris du temps avant d'être prise, mais elle a été bien mûrie et bien réfléchie. Et malheureusement, les Knicks joueront cette fin de saison et ses playoffs sans Julius Randle. Bon, autre officialisation, et là c'est peut-être une meilleure officialisation, une meilleure nouvelle, et ben c'est celle concernant la classe de Hall of Famer. On en a parlé il y a quelques temps, il y avait un ancien joueur des Knicks, en la personne de Dick Barnett, le docteur, hein, qui était pressenti pour intégrer cette QV de Hall of Fame en 2024. Et ben c'est officiel, il sera bien Hall of Famer. Il fait partie des 9 joueurs et joueuses reconnus pour entrer au Panthéon du basket à Springfield en août prochain, je crois que c'est août, hein, les commémorations. Il y aura également Chauncey Billups, un ancien passé par la maison Bockers, Ouais. même si on pense plus à Chauncey Billups, le joueur de Detroit. Voilà, Vince Carter également. Bon, c'est comment dire, une campagne, une Cadeau de promotion peut-être draft. moins prestigieuse que d'autres saisons, d'autres années, mais tout de même, un nouveau Knickerbocker au Panthéon du basket. On le rappelle, son numéro est retiré, hein, à Dick Barnett. Au plafond du Madison Square Garden, deux Numéro titres de 12. champion avec les Bockers au début des années 1970. Et puis un Dick Barnett pas tout jeune qui a quelques problèmes de santé, donc on espère le retrouver à Springfield au mois d'août Ben Dick pour Barnett, la saison. c'est quand même, dans le titre de 70, c'est quand même un artisan important, hein, puisque au niveau des finales de 70, il tourne quand même en finale. Alors que la saison, il est à 14 points de moyenne, 15 points de moyenne. En finale, il a son niveau de jeu et il monte à 18 points de moyenne contre les Lakers, quoi. Donc, Lakers. un gros Dick Barnett, il a ce fameux shoot, tir avec les jambes. Tiens, replié. Replié sur le collier, voilà, et oui, il y a son état de santé. On le voit que quand ils ont honoré, que quand à chaque fois ils honorent donc l'équipe championne, que quand Willis Reed nous a quittés, il y a eu aussi une petite cérémonie, il est en chaise roulante, il semble un peu dans la Diminué. sénilité, quoi. Ouais, je sais pas comment la cérémonie va pouvoir se dérouler parce que. Il parle, c'est un peu compliqué quand il parle. Voilà, donc après, c'est pas un homme, c'est quand même un homme d'un certain âge. Il a 87 ans. Voilà, est-ce que c'est pas un peu trop tard de lui donner ce titre? Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'honorer avant? Bon, écoute, en tout Sachant cas, qu'il a pris sa retraite il y a quand même quelques années déjà. Hein. cette équipe de 70, disons que elle le Bien présente représenté. un peu plus de légende dans son roster, quoi. Après, dans le titre de 73, il est moins important. Il est vraiment moins important. Je crois que même il ne fait pas les finales. Mais en tout cas, dans le titre de 70, il est vraiment. C'est C'est un pas joueur pour rien que clé son numéro est de returé, quoi. l'effectif. Voilà. Et un joueur qui est passé aussi par les Lakers. On a tendance à l'oublier, mais il est passé par les Lakers. Donc, être champion avec les Knicks face aux Lakers, c'était Au début de sa une belle fin de carrière. carrière. Et oui, un shoot avec un style très particulier. On voit plus personne shooter Et comme tu ça vois les aujourd'hui. choses comment et tu vois les choses comment elles ont évolué, hein. C'est-à-dire que c'est un homme qui rentre en 59 dans la ligue, il rentre à 23 ans, quoi. Là maintenant à 23 ans, c'est il est même pas drafté le mec, tu vois. À T'es 23 à la ans, il est fin de même ton pas contrat rookie ou ton là, tu vois, extension, quoi. lui il a été drafté au premier tour au cinquième choix. Tu vois. Et là maintenant, en fait, à 23 ans, le mec, il est même pas regardé, quoi. C'est directement pour l'Europe ou pour la Chine, tu vois. Enfin, ou alors, mais Une autre 23 ans, c'est époque. beaucoup trop vieux. On te dira que ton potentiel est fini, que t'as plus rien. On va plutôt aller chercher un gamin de 18-19 ans. Ça marche, ça marche. Ça marche pas. On verra C'est la prochaine pareil. fournée de draft. Effectivement, 23 ans, on est plutôt à la fin de son contrat rookie, voire au début de son extension. Extension, bonne transition, on va en parler. On parle dollars, on parle argent. Ça y est, on est un peu déjà entré dans la période science-fiction. On se projette en route vers le futur. Alors bon, on ne parle pas de sportif, là, on parle plutôt de contrat. Et on le sait, côté Knicks, il y a quelques joueurs pour lesquels la situation, elle peut porter à discussion, à porter à réflexion. Forcément, Isaiah Hartenstein, qui arrive en fin de contrat, la question se pose, prolongation, pas prolongation. Au regard de sa très belle saison, avec une bonne partie Belle du temps passé saison. en pivot titulaire, on peut se poser des questions de savoir combien de dollars mettre sur la table pour prolonger Isaiah Hartenstein. Lui a fait des déclarations plutôt allant dans le sens d'une prolongation, il a envie de rester. En même temps, tout se passe bien, il a un rôle plutôt Bien bon, sûr. majeur aujourd'hui, et il apprécie, je pense, jouer à New York. Voilà, les rumeurs parleraient d'une prolongation à hauteur de 13 millions de dollars la saison. Ça me paraît pas si On a cher payé que ça pour un joueur, surtout du 5 majeur. Après, la Bah question ouais, sera pour un quid joueur. de Mitchell Robinson, qui est revenu de blessure et qui reprend petit à petit des sensations. Voilà, on a l'air d'avoir en tout cas une Il raquette va être bien courtisé, fournie. en tout cas. Le père Il va y Hartenstein, c'est avoir. évident. Eh oui, il a Il va montré être de belles courtisé. choses. Il a montré de belles choses. Et un autre qui montre de belles choses, c'est Jalen Brunson. Là aussi, il se murmure qu'il serait ouvert à une extension dès cet été. Alors là, on est plus qu'à 13 millions la saison. On parle tout de suite de contrat à plus de 100 millions de dollars. Ça, vous vous en doutez, puisqu'il avait signé en provenance de Dallas à 100 millions de Quoi? dollars. Un joueur qui n'est pas All-Star qui prend 100 millions? Mais qu'est-ce qu'on fait Voilà. les Knicks? Encore une fois, ils dilapident le pognon. Et là, on parle de contrat à quoi? À 180 millions de dollars, voire 270 millions de dollars si on attend la saison prochaine pour une durée un peu plus longue. Donc, à voir en tout cas, Léon Rose, quelle est la taille des chèques qu'il va signer cet été? Est-ce qu'il va prolonger? C'est Et puis, un énorme. autre joueur C'est qui serait éligible à une énorme. prolongation, c'est C'est Julius fou. Randle. C'est Julius Randle. Là, le choix est peut-être un peu plus délicat à faire. Prolongation, pas prolongation. Attendre, pas attendre. Payer plus cher si on paye plus tard. Bon, on aura l'occasion de parler de tout Dis ça. donc Mais que ça c'est. commence déjà à murmurer. Les gens ont envie de Dis donc passer que à la caisse. l'été 2025, comme je te disais en off, va être un peu l'été de tous les dangers parce que beaucoup de joueurs ont leur contrat qui se termine. Autant chez nous, donc JB, Julius, ont des player options. Et spoiler alerte, ils les prendront pas. Hein. Déclineront. Ça va Hein. négocier plus cher. Mais on a également des joueurs convoités qui finissent. Donovan Mitchell. Alors si on est sur une campagne de playoff, et là on fait de la trade fiction. Pure science-fiction. Si on a nos amis des Cleveland Cavaliers qui passent encore une fois au travers de leur playoff. Alors oui, évidemment, on va me dire oui, mais ils ont recruté Donovan Mitchell pour les faire passer un step-up. Et ça marche pas, donc c'est une trompette. C'est une façon de penser qui se tient et qui peut s'écouter. Cependant, nous, on est fans et il y a des front office. Et il y a des gens qui réfléchissent à autre chose. Et qui sont dans des business. Qui sont dans des business qui, des fois, en fait, nous dépassent. Et après coup, on se dit, putain, j'aurais jamais fait, moi, ce trade. Alors que nous, on réfléchit à des trades gagnants pour nous. Et souvent, quand on voit par exemple la première fois que Donovan Mitchell a été libre, enfin, était disponible, et qu'on avait proposé Emmanuel Quickly, RJ Barrett, Mitchell Robinson et 4 tours de draft, là, peut-être que cet été, ça peut Ouais. parler. Ça peut parler à nouveau parce que eh ben, on sait que Donovan Mitchell veut New York et que peut-être que les Cavs vont dire, mais moi j'ai pas envie de me retrouver le bec dans l'eau. Donc ça peut négocier. Je vois pas d'autres équipes monter, peut-être Miami ou peut-être Brooklyn, peut-être essayer de monter au trade C'est pour ça. lui. C'est ça. Mais c'est prendre le risque en fait de monter un trade pour un peu une sorte de Kawhi, c'est-à-dire d'avoir le mec pour une location d'un an. Donc soit en fait vraiment Donovan Mitchell a envie des Knicks. Il le fait savoir et il n'y a personne qui se positionne. Et en fait, ça va parler trade de cet été entre Leon Rose et le management des Cleveland Cavaliers. Soit, en fait, bah, finalement, il n'est pas insensible. On sait que le Heat l'aime bien et que Brooklyn, bah, c'est New York aussi, hein, Brooklyn. Hein. C'est Ouais. un arrondissement. Et il y Donc, a peut-être quelques voilà. assets aussi à envoyer en contrepartie. Donc à voir Et effectivement nous, s'il se on a retrouve à dilapidé Brooklyn. les. Et nous, on a dilapidé les bijoux de famille, quoi. Donc, Voilà. les Bon, on coffres sont vides. verra. En tout cas, on est dans la spéculation pour l'instant. Mais Mais cet été, effectivement, un attendez-vous nom à. qui, un coup, semble, selon le propriétaire des Cavs, était en bonne voie pour prolonger. Et puis Oui. derrière, un petit coup de Il a dit. clim qui dirait que Non, non, mais il c'est a rien envie de de fait. On rester. verra ça. Il a envie de rester à Cleveland. Et puis après, des rumeurs qui te disent que si les Cavs ne vont pas en finale, il prolongera pas. Donc on verra. Et si les Knicks allaient en finale, eh bien peut-être que là. L'ambition est haute quand même, parce que si les Cavs ne vont pas en finale, ils se barrent. Donc vraiment, le mec, tu sais, il a mis des clauses. Petit coup de pression. Bon, petit coup de pression, mais en tout cas, nous, on a un joueur qui plutôt est en forme en ce moment, et ce joueur, il s'appelle Jalen Brunson. Alors, certains voudraient le mettre dans la discussion au MVP, ça va être compliqué, mais quand on regarde Non. cette fin de saison en boulet de canon qu'il nous le fait, notre petit JB, Incroyable. il commence à venir titiller aussi quelques noms, gros noms, dans les livres de records, à savoir les nombres de matchs à plus de 30 points, les nombres de matchs à plus de 40 points. C'est une saison, en tout cas, vraiment C'est simple. Jalen Avec Brunson, un c'est All-NBA qui lui tend les bras, si ce n'est pas un Jalen trophée Brunson, de MVP. c'est deux matchs cette saison à plus de 50 points. C'est sept matchs à plus de 40 points. C'est 23 matchs à plus de 30 points. Alors, j'ai pas tout à Et fait les mêmes chiffres, mais en tout cas, bah, oui, moi écoute, j'ai 9. moi je suis sur Basketball 9. Référence, tu vois. Et on a 50 points et plus, on en a 2. Entre 40 et 49, on en a 7. Entre 30 et 39, on en a 23. Et entre 20 et 29, on en a 30. Il a fait que deux matchs où il a scoré en moins de 10 points. Et dont un match où il se blesse en début de rencontre. Mais voilà, en tout cas, un Brunson qui porte Oh, l'équipe il est vraiment très haut incroyable. en ce moment. Est-ce qu'il faut qu'on parle Incroyable. du classement? On peut parler du classement maintenant. On va devoir revenir dessus tout à l'heure sur la deuxième partie. Mais en tout cas, en termes de classement, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, en ce lundi 8 avril, eh bien, les Knicks sont en troisième position ex aequo avec le Orlando Magic. Le Orlando Oui. Magic a le tiebreaker favorable vis-à-vis des Knicks, puisqu'ils ont remporté trois victoires et les Knicks n'en ont remporté qu'une. Mais en tout cas, voilà, les Knicks se situent à une petite victoire près de la deuxième place de cette conférence Est, qui est encore détenue par les Milwaukee Bucks. Bon. Attention, Et attention à cette deuxième place, parce que on a maintenant des Philadelphia Sixers qui ont récupéré Joel Embiid et qui sont en boulet de canon là. Ça fait 5-6 matchs qu'ils ne perdent plus. Donc cette deuxième place peut être vraiment un cadeau empoisonné, parce que tu as quand même en 8 Miami et en 7 Philadelphie. Alors Miami, on les aura pas au premier tour, c'est dommage, parce que moi j'aurais aimé les avoir au premier tour, Miami. Bon, tant pis. Mais cette deuxième place, tu vois, pour Milwaukee, ça peut être un mauvais tirage pour eux, parce que là, t'imagines, tu fais une saison, tu fais une Fin de deuxième en saison, ouais. Philadelphie. Fin de saison régulière à scruter parce qu'effectivement, bon, Miami aujourd'hui est plutôt 8e, encore faut-il sortir du play-in, hein, bien sûr. Il pourrait y avoir une surprise, est-ce que Chicago, Et est-ce parce que que ça y est, Atlanta ou pas? Atlanta et Chicago sont sûrs de faire le play-in et sont sûrs de ne pas faire les play-offs. Ça, Voilà. c'est. Ouais, ça y est, en fait, ça a été machiné. Donc Brooklyn ne fera pas les playoffs. Donc Brooklyn a offert gentiment son joli lottery pick à Houston sur un plateau. Tenez, Qui n'en c'est demandait pas pour vous, tant. c'est C'est cadeau. cadeau. Et donc, ouais, donc on a Atlanta et Chicago sûrs qu'ils ne font pas les playoffs. Et maintenant, en fait, tu vas avoir. Alors, Enfin, pas les avec la playoffs, victoire à de. part s'ils se qualifient à Oui, l'issue du play-in. voilà. Mais en Pas de qualification direct, directe c'est-à-dire en dans le playoff. top 6, c'est terminé. Nous, cette victoire de cette nuit, bon, on en reparlera après, elle est importante à beaucoup d'égards et elle presque nous qualifie directement pour les playoffs, quoi. Pour moi, cette victoire nous qualifie directement. Alors, ça se trouve, il y avait un karma de ouf. Et là, On boum, aurait tout 4 perdu défaites. derrière, mais bon, non, non. Mais disons qu'on a nos concurrents directs pour les places 4, 5, 6. Qui ont des calendriers, alors on en reparlera d'une autre, mais qui ont des calendriers quand même assez compliqués, Assez quoi. compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois le Heat, leur calendrier là, c'est les Hawks, c'est les Mavs. Donc bon, les Hawks, en effet, ils vont falloir qu'ils se rassurent. Les Mavs qui sont à la bagarre, tu vois, et deux fois les Raptors. Et avec RJ, IQ, tout ça, peut-être qu'ils vont vouloir nous faire un petit cadeau, tu vois, les anciens Bookers, tu vois. Mais ou À alors voir. ils vont. Parce que là, de toute façon, À ils voir pourront qui joue. plus. Toronto ne pourra plus descendre au classement. Le top 3 Le bottom, on va tanking dire, hein. est pas accessible pour eux. Détroit, Washington et Charlotte, c'est vraiment bien en bas. Donc en gros, là, les places, il n'y a plus rien à jouer. En bas, Toronto et Brooklyn, il n'y a vraiment plus rien à jouer. Mais et tu Mais ça prends va être intéressant Midland. de voir en tout cas ces places de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Tu cette vois Cleveland, conférence. Rien n'est fait, Cleveland, tu rien n'est vois fait. leur Cleveland, leur calendrier, c'est ils te jouent les Grizzlies, ils te jouent les Pacers aussi, hein. Il y a les Pacers au milieu, un Cleveland Pacers, tu vois, c'est un match à 6 points, ça, comme on dirait en Ligue 1, quoi. Et C'est ils ont un match d'écart aujourd'hui sur le classement. Donc tout ça, ces confrontations directes vont valoir cher. Entre les Orlando et les Bucks, il y a des et oppositions ma... aussi. le Donc. Magic. Le Magic, il te joue les Rockets. Bon, c'est dommage, les Rockets sont maintenant éliminés de la course au playoff. Mais il te joue Bucks, Philadelphie Bucks. Voilà, Pas donc facile ça pour le promet Magic. un beau sprint final. Et voilà, qui sait quelle sera Donc la c'est pour ça que photo je disais de ce playoff. qu'on est presque qualifié. Allez. Bon, et Une pour ça, victoire, qu'est-ce moi. qu'il fallait Il faire? marque une Fallait victoire. gagner quelques matchs cette semaine. Et les Knicks en ont gagné deux. Voilà, on vous avait laissé à l'issue du week-end de Pâques, après une défaite qui nous était restée en travers de la gorge, parce que pas belle, sale, sale, moche cette défaite, face au Miami Heat. Là, ils se sont repris tout de suite. Autre équipe et retour au Garden, réception des Sacramento Kings. Hein, c'est les rois de Californie, appelons-les comme ça. Ne déformons pas leur nom. Qui ont fait un bon début de match. Et c'est ça aussi qui nous a mis tout de suite encore dans l'inquiétude. Les Knicks étaient sur trois défaites. Trois ou quatre, je ne sais même plus. Trois défaites d'affilée. Il fallait stopper cette série mauvaise, cette spirale de défaites. Et ça commençait pas bien. Pas Ça défaite. commençait pas bien. Oui. Début de match, voilà, où les Knicks, en gros, de toute façon, toute cette semaine, les débuts de match des Knicks sont pas bons. Ils sont distancés assez vite au score. Il y a un écart d'une dizaine de points et c'est ce qui s'est opéré. Et puis, ils font l'effort et ils font encore des C'est grands monté à une efforts. vingtaine de points. On avait 21 points de retard, je crois, si je dis pas de bêtises, sur cette rencontre. Et un troisième carton Oui. En fait, cette année, cette saison, le troisième carton, c'est le carton fort des Knicks. Alors que l'année Alors dernière, je te qu'il y rappelle. a une saison ou deux, c'était complètement l'inverse. On revenait Ah de ouais, à vestiaire et chaque à chaque fois, fois. on se faisait dézinguer. Ouais. Voilà. Donc il y a un changement de temps fort dans le match. Et pour autant, on a toujours des joueurs et une rotation qui s'est pas vraiment élargie. Hein. Sur Bien. ce match, OG n'a pas repris encore, hein, si je dis pas de bêtises. C'est sur le match face Non, ce aux match, Bulls il n'est qu'il pas fait son revenu. retour. On n'avait pas encore l'officialisation de Non plus. la blessure de Julius. Ou si peut-être, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était avec un effectif raccourci. Et encore une fois, les Knicks qui nous ont montré de très belles choses parce qu'ils reviennent d'un retard de 21 points. JB, très fort sur ce match encore. JB, très Oh, fort. JB inarrêtable. Dans un JB, duel il avec 25 points, De'Aaron 11 Fox. passes. Voilà, il est à la passe, il est au scoring. Bien épaulé encore une fois par ses copains de Villanova. Quand c'est pas JB qui marque, c'est Dante. Quand c'est pas Dante, c'est Josh Hart. Voilà, on a un Non, mais match tu vois, plein c'est du ça en trio. fait. Tu vois, c'est ça en fait. C'est que on a un mec qui est fort et qui nous fait gagner. C'est quand la dernière fois qu'on a eu ce genre de profil? Un mec fort qui nous fait gagner. Ça date, hein. Ça date. Bah, surtout qu'après, un poste de meneur a plus de responsabilités dans l'animation du jeu. Mais effectivement, hein, de toute façon, la question de savoir depuis quand on n'a pas eu un meneur aussi fort, elle remonte à très très loin. Et on parlait tout à l'heure des Knickerbocker champions. Ben Ouais, oui, ben bon, oui, ben oui. On a je beau pense que avoir c'est eu des Wall. talents, à ce poste, je crois qu'effectivement, ça date à de là, quoi. Voilà, donc une très belle victoire avec la manière, avec l'énergie, avec l'euphorie du public. Un petit coucou, une petite dédicace à Baptiste qui était présent sur cette semaine à New York, enfin à New York, qui a suivi les Bockers, entre autres aussi en road trip. Et il avait une belle petite place pas très loin du courtside et il s'est régalé sur cette rencontre. Et on peut le comprendre parce que même nous, à distance, dans un match qui était quand même attendu, comment dire, les Kings se battent aussi pour essayer de valider une place en play-off, pas en play-in. Et voilà, il y avait besoin en tout cas d'une victoire des deux côtés. Et finalement, c'est Tom Thibodeau qui remporte son duel face à Mike Brown et une belle victoire des Knicks qui n'ont À pas noter, forcément profité au classement puisqu'il y avait également une victoire au même moment de Orlando. Mais en tout cas, il fallait ça pour relancer la bonne dynamique de la semaine et la bonne dynamique de victoire. aussi un match qui, une fois n'est pas coutume, n'était pas mauvais de notre Boyan. Croate préféré. Oui, ouais. Bon, Bojan on en reparlera sur la Bogdanovic, semaine, hein, mais on va en reparler parce que sur la semaine, il nous fait globalement il a une fait une bonne relativement. semaine. Ouais. Là où Burks nous fait du Burk. Hein, Burks ne il joue fait du plus. Burk. Hein. Alors voilà, on. Burks, sur le match contre les Kings, joue 9 minutes. Burks, il joue désormais 8 minutes, quoi. Et puis on en reparlera Et contre on va en parler Milwaukee, sur la mais fin. Ouais. contre Milwaukee, il joue pas, quoi. Non, il joue plus. Hein. C'est. Alors que. C'était quand même un mec, tu vois, Qui de avait la Tom confiance du Thibodeau, coach. quoi. Ouais. Ouais. Qui avait ce profil capable de prendre feu et de En prendre un coup 10 de ans. chaud, eh ben on l'a Et pu puis en fait, là c'est. où Mais on l'a Boy. plus. C'est McBride qui l'a, quoi. C'est Oui, McBride qui a le mot du jour. même si sur cette rencontre, il est dans le starting five, en tout cas McBride effectivement qui continue de nous faire une très belle fin de saison, et puis présent des deux Incroyable. côtés du terrain, et une énergie et une bouille plutôt sympa, et du jump, même si parfois il se fait contrer. En tout cas voilà, la semaine reprenait bien après le petit coup de mou qu'on avait eu. Je t'avais dit que ça allait aller mieux, et ben voilà, ça va mieux. Victoire face aux Kings, pour commencer. Derrière, déplacement, c'était du back-to-back qui attendait les Knicks, et on sait qu'un back-to-back c'est jamais évident. Les Bulls, eux, étaient très bien reposés et ils ont tout de suite pris les rênes, ils ont tout de suite pris le taureau par les cornes, c'est bizarre parce que c'est eux les taureaux, et on a vu un certain Don Sun Mu, waouh, pas forcément Ouais, le Don joueur le plus Sunmu. Don connu quand Sunmu on était pense aux Bulls. de la même classe que Quentin Grimes. Et d'ailleurs, ils auraient fait les sélections ensemble. Quand j'avais écrit un article sur Grimes, son nom était ressorti. Don Sunmu était quand même une recrue importante hein, au moment de son arrivée à NBA. Et d'ailleurs, je crois que son année rookie, elle est très belle. Hein. C'est une bonne année rookie. Mais c'est Et pas lui qui m'a le plus choqué, quoi. C'est pas lui qui m'a le plus alors, choqué. on a eu un Dosunmu qui était en très belle réussite d'entrée de jeu, qui nous a mis Non, 3 mais points sur attends. 3 points. Et Qu'est-ce puis, il que y a c'est que eu un monsieur Green, monsieur Vert, ce que c'est que ce mec? Non, mais qui a décidé attends. de faire le match de sa carrière, sûrement. Enfin, je ne sais pas dans quelle classe de draft il a été issu. Mais là où on Je pouvait ne sais attendre du pas. DeRozan, Je ne du sais pas qui il Vucevic, est. voire du Kobe White, c'est plus lui qui aussi, avec Javonte son collègue Green. Dosunmu, termine meilleur marqueur des Bulls. Et qui, du 3 points, du dunk, en veux-tu, en voilà, nous a sorti plus Et 25 points, c'est ça, Javonte 25 points en sortie de banc. Javonte Green, donc sa ligne de stats, c'est 25 points, 13 rebonds à 10 sur 14 au shoot. Bah là, ouais, c'est plus ça. Il faut savoir que avant ce match, ce type a joué 3 matchs en saison régulière pour 5 points de moyenne et 2 rebonds, je crois. Voilà. Et Après, est-ce là, qu'il a peut-être été blessé? Bon, je sais pas, mais j'ai pas suivi la saison des Bulls. Faut demander boum! aux fans de Chicago. Le mec nous cale 25,13 rebonds. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'était? Mais de toute façon, des fois j'ai l'impression, mais je pense que c'est l'impression pour tout fan de n'importe quelle équipe, mais qu'à chaque fois, tu sais, on a un no-name qui arrive et qui nous défonce et on se dit, mais attends, mais c'est qui ce type? Mais c'est pas possible, tu vois. Et Javonte Green, il est même pas sur Basketball Référence. Pourquoi? Qu'est-ce que C'est un c'est jeu qui inventé par l'IA ou quoi, c'est quoi? Non mais c'est ça? Attends, est-ce que. Non, c'est pas possible, ça me troll. Non, tu dois pas avoir la bonne orthographe du prénom. Mais en tout cas, Ben oui, Green, effectivement, c'est pas compliqué à écrire Green. Oui, mais d'inventer, bon. Mais en tout cas, voilà, il fait un très gros match avec son compère Don Sunmu. DeRozan nous sort du mid-range un petit peu quand il en avait envie. Et voilà, et les Bulls ont pris les rênes du match assez vite. Les Knicks ont essayé de recoller. Il y a eu Et un match quelques de tentatives en seconde mi-temps, entre autres. Drummond un match de Drummond qui nous a fait mal aussi. Drummond nous a fait mal, hein. Et il a été dominant dans ses moments de jeu dans la raquette. Au rebond offensif, on le savait. Eh C'est un ben, match, ouais. on l'a pas dit, où 10 points, OG a allumé... 13 16 rebonds pour Drummond. Ouais. Je voulais plus trop m'occuper des Bulls. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était le match de retour de OG Anunoby. Alors, c'était la bonne nouvelle après le coup de moins bien, après l'annonce du forfait pour la saison pour Julius Randle. Et du coup, c'est aussi un retour qui a un petit peu changé les lignes, puisque Deuce McBride a rendu sa place de titulaire. Il est retourné sur le banc. Donc, est-ce que ce match aussi, qui à la fois était en back-to-back et un ajustement en termes de rotation, a pu un petit peu faire perdre les bonnes habitudes des Knicks? Pas improbable. En tout cas, OG s'est pas montré exceptionnel sur ce match, ni mauvais non plus. Il a été surtout présent pour apporter de la défense face à DeRozan. Mais voilà, on a perdu peut-être un petit peu cet équilibre qu'on pouvait avoir avec McBride en titulaire, quoi. Ouais. Bon, mais après, en même temps, il faut le réintégrer dans le 5 majeur. Hein. Les playoffs arrivent, il faut qu'ils reprennent du rythme. Bon, son coude, hein, on a touché du bois suffisamment tout à l'heure, hein, sur les deux derniers matchs, a eu l'air de tenir. Il a scoré sa dizaine de points, il a amené de la défense. Il faut qu'il reprenne le rythme de la compétition, que cette fois-ci, il enchaîne plus les matchs que lors de son premier comeback. Retour. Il a fait une Jordan, il a fait un premier, un premier comeback, un deuxième. Et puis bon, c'est normal qu'il reprenne sa place de titulaire. Tu vois, c'est pas comme Mitchell Robinson où tu peux le faire démarrer du banc parce que en même temps, t'as un backup, t'as Hartenstein qui marche bien. Donc, et puis Mitchell Robinson aussi avait eu des déclats dans ce sens en disant moi ça me dérange pas de sortir du banc. Et donc voilà, et puis les deux sont poteaux, tout ça. Bon, là t'as un OG Anunoby, déjà t'as tradé fort pour lui. Tu t'es passé de beaucoup de matchs pour lui. Tu as serré les fesses pour lui. Il revient et c'est un homme, je vais dire, un homme triangulaire, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de choses reposent sur lui. Et il est super important dans le dispositif, donc il faut le réintégrer et il faut le remettre. Donc évidemment, ça chamboule un peu des choses dans le roster, c'est normal, mais c'est un homme qui, lorsqu'il est en forme, est tellement important. Tellement impactant de par sa présence, notamment défensive. Après, il y a un... McBride, ça l'a pas empêché, en sortie de banque, déjà de jouer ses 38 minutes et de marquer ses 19 points. Oui, parce qu'il les a fait surtout en seconde mi-temps. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une perte pendant ce match. Un fait de jeu assez vite arrivé et qui nous a un peu tous surpris, c'est l'expulsion de Josh Hart. Alors bon, oui, Josh Hart, des fois, il a tendance à rentrer un peu dans l'art sur ses coast-to-coast, ses contre-attaques. Là, il y avait effectivement peut-être un passage en force et un contact qui n'était pas maîtrisé, le pied qui part en l'air. C'est pas très naturel, le pied là comme ça. C'est pas il n'est pas très naturel, mais est-ce qu'il est pour autant dans une vocation à vouloir blesser le joueur Green, non, en l'occurrence, il cherche pas la le tête, fameux. Puisque l'autre va chercher la tête, enfin, il descend, donc il le voit pas en fait, en plus quand il lève le pied. Il y a un déséquilibre qui est exagéré peut-être pour amplifier... pour avoir une faute tout simplement, et malheureusement ça se retourne contre lui, c'est l'arroseur arrosé, et là salement arrosé parce que c'est flagrant 2, expulsion, fin du match. Donc il y avait une incompréhension totale de la part de Josh Hart, qui n'est pas un mauvais gars, on le sait, on connaît les joueurs dans cette ligue qui ont des réputations de joueurs à faire des fautes méchantes, graves et physiques. Là, c'était pas le cas, c'est un passage en force, il veut accentuer la chose, il veut faire un peu de la comédia d'alerté, malheureusement, mais ça se retourne contre lui. Pas une flagrante 2, quoi. Enfin, ouais, c'est sévère. C'est sévère sur ce genre d'action, surtout quand on voit d'autres actions qui sont beaucoup plus marquées pour hériter d'une flagrante 2, pour écoper d'une flagrante 2 en sortie de match, en sortie de faute. Et ça a quand même déstabilisé ça aussi, l'effectif. On sait le rôle que peut avoir Josh Hart. Josh Hart, autant à la défense qu'à la relance, qu'à parfois à l'attaque, il apporte beaucoup. Et là, son absence a forcément pesé dans ce match, où on l'a dit, retour de OG Anunoby. Un retour timide mais correct, et un Deuce McBride qui, en seconde mi-temps, a retrouvé sa place de titulaire de par l'absence de Josh Hart. Donc voilà, donc trop court, les Knicks, fatigués peut-être, manque d'adresse quand il aurait fallu. C'est dommage, c'est un match qui était prenable, qui était à la portée, on aurait pu avoir une victoire en back-to-back et sécuriser cette troisième place là qui tendait les bras des Knicks depuis un moment. Et ben non, c'était un coup de loupé, mais les Knicks reviendront. Ils seront de retour au United Center, ça c'est certain. Et là, je pense qu'il y aura les pieds bien campés au sol pour Josh Hart cette fois-ci. Tu voulais rajouter quelque chose sur ce match peut-être? Non, ben juste, tu vois, on se demandait Les boules. qui était Javonte Green. Donc, il est dans la ligue depuis maintenant 7 ans. Il a 30 ans, ce bonhomme. Il est arrivé à l'âge de 26 ans. Évidemment, non drafté. Et jusqu'à présent, sa carrière, sa moyenne de points en carrière est de 5,2 points. Voilà. Donc, un ovni sorti de nulle part. Et qui aura performé contre New York. Allez, bon, on n'en parle plus de ce match face aux Bulls qui nous a laissé un mauvais goût dans la bouche. Il y avait quelques jours de repos, un jour de repos, direction le Wisconsin. Et là, c'était les Bucks, les Et Serres, Bambi, ce qui étaient match. un peu fatigués en ce moment. Trois défaites consécutives pour les Bucks. On le rappelle, c'est quand même une équipe qui a trade pour Damian Lillard. Certes, ils ont perdu Jrue Holiday, ils ont perdu d'autres joueurs, Grayson Allen, je crois aussi, Ils ont trade dans pour la Damian course. Lillard avec toutes les interrogations qui vont avec, qui sont presque en train de se justifier. Se matérialiser, se justifier maintenant, même si Damian Lillard il fait un bon début de match, il récupère pas mal de lancers francs, mais bon, un joueur Oh là All-Star, là, normalement, ça insupportable! récupère À des la lancers francs. mi-temps, à la Normalement. mi-temps, il a autant de lancers francs que l'équipe des Knicks, quoi. Il en a 10, lui, et les Knicks en ont 10. Et puis, en fait, Damian Lillard, tu soufflais dessus. À un moment donné, il y a une faute lunaire. Il n'y a rien, en fait, de Mitchell Robinson. Il le regarde Oui, passer. possible. Il fait comme ça, il le regarde passer. L'autre, il amplifie un geste alors qu'il ne le touche pas. Il siffle. Et là, tu te dis, en effet, Jalen Brunson n'a pas les coups de sifflet de Damian Lillard. Et ça nous projette dans le match contre OKC, où ça aurait été Lillard. Ben, clairement, il avait le coup de sifflet, quoi. Il avait le plus un. C'était évident. Voilà, c'est un arbitrage à deux vitesses parfois en NBA, mais ça n'a pas empêché les Knicks de s'accrocher. Il y a eu aussi un écart de fait au score, encore une fois, un début de match qui est plutôt à l'avantage de Milwaukee. Bon, on le savait, les Bucks n'étaient pas en grande forme, ils sont en plein doute, malgré qu'il y ait un Giannis Antetokounmpo qui soit dominant physiquement, toujours dans son style propre à lui. Brook Lopez qui était en galère en début de match à l'adresse extérieure, donc ça a permis aux Knicks de Bobby rester Portis. au contact. Et Bobby Portis qui a Relou. été plutôt bon hein, dans son Ouais, registre. Est-ce que ça relou, sera le lui mec. le meilleur sixième homme de l'année, étant donné que Malik Monk, maintenant, qui était autrefois aux Kings, est blessé, ne finira pas la saison. On peut se poser la question, mais en tout cas, voilà, les Bucks avaient besoin de cette victoire. Trois défaites consécutives. Doc Rivers avait dit, on a perdu contre trois mauvaises équipes, c'est de ma faute. Là, les Knicks, c'est pas une mauvaise équipe, ils comptaient gagner. Ça a été compliqué au début du match, même si on avait un super Jalen Brunson. Jalen Brunson qui met quoi, 17 des 25 points dans le premier quart. Sans lui, les Knicks sont pas dans le match. Et puis après, la force du collectif, encore une fois, Bojan Bogdanovic qui fait des bons passages. Certes, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il score avec un pourcentage plutôt bon. Voilà, on n'a pas vu Alec Burks. DNP sur ce match. Je crois que Tom Thibodeau, il s'est fait une raison. C'est le chouchou, l'ancien chouchou, c'est fini. On rappelle, hein, Alec Burks, c'était le meneur titulaire des Knicks pour finir la saison avant Jalen Brunson. Donc c'est dire si le temps passe vite et les pages se tournent assez vite. En tout cas, voilà, les Knicks se sont accrochés. Les Knicks ont fait leur retard, ont refait leur retard dans le troisième quart-temps. Encore une fois, un troisième quart-temps de feu. Ouais, ils arrivent à revenir, ouais. McBride. Dante qui est en belle réussite, Et 8-3 Boyan points sur aussi, cette parce rencontre. que. Et Boyan aussi, Boyan. encore une fois, il nous sort 15 points et c'est vrai que il Et nous a marqué Hartenstein. des. Hartenstein. Il nous a marqué des paniers importants pour revenir à égalité. Et puis, ouais, Hartenstein, un double-double. Face Non, à mais un Brook le match. Lopez, ses petits hooks juste devant le cercle, Le ça match est rentrait. solide. Hein. Mais je vais t'avouer Très que après, solide. j'étais assez surpris de Doc Rivers. T'es à moins de 10 à la dernière minute. Tout peut aller très Ouais. vite, surtout que t'as des gros artilleurs. Garbage Euh, time. et là, et, et là, il dit, bon, on stop, Changer terminé. 5. Et j'ai pas compris. Parce que, alors, Tom Thibodeau, c'est sûr qu'il n'aurait jamais fait ça. Bah, pour preuve, on laisse quasiment nos titulaires jusqu'au bout. On sort juste Giannis pour le faire souffler, puis après Brunson vite fait, mais. Non, mais à moins. Enfin, je veux dire, dans la NBA actuelle, qui se joue beaucoup derrière l'arc, ils ont des mecs qui met de loin. Ils ont des Lillard, ils ont du Portis, ils ont du Pat Connaughton. Et puis là, en fait, bon, bah, drapeau blanc à la limite de la Beasley fin, t'es aussi. à moins de 10. J'ai trouvé Ah, ça beau, j'ai dit, bon, bah, cool, on a gagné, quoi. Mais y avait sanction, quoi. Il y avait sanction, il y avait après, punition, message à faire passer, mais. je sais pas si t'as parlé de la blessure de Chris Middleton. Non, on allait en parler aussi. Effectivement, il s'est ouvert à l'arcade, il est tombé et Et il a c'était en pris une première main à la mi-temps, il tronche n'est pas revenu de Dante derrière. DiVincenzo. Donc ça a forcément manqué, mais Middleton, qui est un peu sur courant alternatif depuis sa blessure, il a toujours un peu du mal à retrouver l'aura qu'il pouvait avoir auparavant. Là, maintenant, avec un Damian Lillard qui prend beaucoup plus de place dans le jeu offensif, ça peut se comprendre qu'il y ait une sorte de rétrogradation. L'ami Middleton. Mais voilà, les Bucks n'ont pas, malgré jouer à domicile, malgré leur expérience, malgré leurs joueurs All-Star, ils en ont au moins deux dans Tu cet sais effectif. que nos deux derniers matchs contre eux, on les gagne. Hein. Sur les Quoi? cinq. Sur Toi les qui cinq, nos râlais deux à un derniers, moment on les donné en gagne. disant, c'est quoi ce tournament Oh, machin attends, à mais Vegas, n'empêche on va aller que jouer on cinq les a joués fois? cinq fois. Attends, quand Ah! même, mais ça. Ouais. Comme quoi, les Knicks sont quand même costauds, sont quand même solides. Ils réussissent à rebondir après cette défaite un petit peu dommageable et qui aurait été évitable pour un meilleur classement dans la conférence Est. Ils réagissent de la bonne manière. Ils battent les numéros 2 de la conférence Est. C'est toujours eux. Ils se rapprochent à un match dans le classement et retrouvent cette place de 3e ex aequo, 3-4e avec le Magic. Parce que les Ouais, Cavs perdaient en parallèle un peu plus tôt dans la soirée. alors, Donc une double puis bonne opération pour les Knicks, quoi. nous on a le tiebreaker sur le Cavs et le Magic a le tiebreaker sur nous. Donc bah, c'est pour ça que Orlando se retrouve troisième. Donc Bon, écoute, on j'ai verra, la l'impression semaine va être que. encore intéressante, mais une belle victoire avec la manière et un Brunson encore une fois phénoménal sur ce match. Hein. Personne n'arrive à vraiment trouver les systèmes pour bloquer Brunson. On l'a vu peut-être contre Miami, mais bon, parce que l'homme est humain aussi et il peut avoir des matchs sans, des jours sans. Mais lorsque ses teammates à côté sont aussi en réussite, parce qu'on a eu de la réussite à 3 points de Dante DiVincenzo, hein, 8 sur 10, 8 sur 11, 8 sur 11 à la fin. Voilà quoi. Plus un Mitchell Robinson qui retrouve des sensations, Ouais, hein, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu sais des que je contres. regardais là OG à les stats. l'interception. Bon. Tu sais que je regardais là les stats des 10 derniers matchs de Miles McBride. Sur les 10 derniers matchs, donc bon, il joue en moyenne 41 minutes. Le mec, il tourne à 17 points de moyenne. À 17 points de moyenne, à 43% au tir. T'imagines? Enfin, le Et step-up de malade, quoi, de ce type-là avec sur un les 10 physique derniers où matchs. il a pas gagné des centimètres, hein, il est toujours avec le physique qu'on connaît, voilà, donc il a repris Bon, le confiance, petit il a un bonhomme, shoot, il a eu du temps mais de ouais, jeu. mais oui. Très bon, très bonne séquence en tout cas pour Miles McBride depuis quelques semaines déjà. On lui avait décerné le trophée de Knicks of the Week lors d'une des précédentes émissions. Je ne sais plus sur quel épisode, vous retrouverez ça sur YouTube de toute façon. Mais voilà. C'est le grand moment pour nous de révéler justement, après cette rétrospective et après s'être régalé sur deux matchs sur trois sur cette fin de semaine, Voilà. la couronne, c'est la couronne des Kings? Non, c'est la couronne du King La of New couronne York, la couronne qui est pour du KNFTB Alec Nick of the Burks. Week. Et on aurait aimé pour la symbolique, mais non, tout simplement, Jalen Brunson. Bah oui, mais comment décerner ce trophée à Il quelqu'un peut d'autre en cette fin de saison? pas. C'est lui Il qui peut porte l'équipe. pas. Même Bah si oui. les lieutenants sont 5 étoiles en ce moment, finalement, avec des matchs à 40 points, avec des matchs à 30 points, et on se passe dans des victoires, et pas dans n'importe quelle victoire, pas avec n'importe quelle opposition, ça allait de soi qu'on ne pouvait que le décerner à Jalen Brunson. Il sait qu'il va être attendu aussi en playoff parce qu'il n'y aura pas de Julius Randle, mais voilà, ça lui fait pas peur. Et voilà, Voit son évolution là. Je repense à la punchline, la quote de Kenny Smith qui disait, bah voilà, quand les Knicks jouent telle et telle équipe, c'est jamais les Knicks qui ont le meilleur joueur. Et ben on l'a vu encore une fois face aux Kings, qui était le meilleur joueur, c'était bien Jalen Brunson. Face aux Bucks, qui était le meilleur joueur, il y avait peut-être Giannis en face, il y avait peut-être Damian Lillard, mais c'est qui fait gagner son équipe? C'est Jalen Brunson. Donc D'ailleurs, Doc Rivers bravo à lui. en parle en conférence de presse en disant ouais, il est incroyable, en un contre un, il est plus fort, on n'a pas réussi à l'arrêter parce qu'il est fou, enfin, il se bat, il a été dithyrambique vis-à-vis de Jimmy, quoi. Et ce qui est dingue en fait, c'est quand tu vois son ascension à ce mec-là. Donc, tu vois, on parlait de Dick Barnett, mais lui, il arrive à 22 ans à NBA. Et tu vois, première saison 9 points, deuxième saison 8 points, bon, et puis après 12, 16, 24, 28. Et puis que des stats en hausse, et puis que des. Enfin, New Un rôle York est fait majeur, pour un lui. rôle majeur quoi. New Ouais. York est fait pour lui. New York Clairement, est taillé pour lui. On lui envoie des cœurs, donc si vous aimez Jalen Brunson, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime la Jalen Brunson en commentaire de cette vidéo. On lui souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison régulière, pour ses playoffs. On attend encore du gros GB pour les semaines et les mois à venir. Bah ouais, pourquoi on jouerait pas 2 mois encore, hein? Avril, mai, juin. Bien sûr. Jusqu'au bout voilà. Du plaisir. Pour cette rétrospective de la semaine passée, il va quand même falloir qu'on se penche sur le programme de la dernière semaine. Parce qu'il reste quand même des matchs. Les Knicks sont pour l'instant à 46 victoires. Il en reste 4 à jouer. Hein, on en a joué 78. Est-ce qu'on ne viserait pas les 50? Allez, on regarde tout de suite ce qui se présente comme adversaire au programme des Knicks pour savoir si on peut viser les 50 wins cette saison. Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. Bon, les Knicks sont venus à bout des cerfs, ne sont pas venus à bout des taureaux, et j'espère qu'ils viendront à bout des taureaux, parce que vous le savez, cette semaine, c'est la dernière semaine de régulière, et c'est la dernière KNF Viewing Party de la saison régulière. Voilà, restez bien à l'affût pour savoir quand, où, à quelle heure, et contre qui, parce que pour le contre qui, on ne sait pas non plus, on ne sait pas tout ça, mais il y aura bien sûr des KNF Viewing Party pour les playoffs, si on est en capacité de les organiser à des heures décentes. Normalement, sur le début du premier tour, il y a toujours une occasion ou deux de pouvoir vous proposer ce genre d'événement. Donc l'année dernière, ça avait été la folie, on compte bien revivre cette folie cette saison aussi. Et cette folie, on va la vivre encore une dernière fois en saison régulière, pour voir si on va chercher les 50 victoires en régulière. Ça sera contre les Bulls, ça sera dimanche 14, à partir de 18h30 au Hideout. Vous connaissez l'endroit, vous connaissez le lieu, on vous attend nombreuses et nombreux, parce que c'est ça aussi KNF, c'est une association, c'est des événements en réel. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le programme du week-end. On commence par le programme du week-end, mais on va regarder tout de suite ce qui va se présenter sur le reste de la semaine. 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs à domicile. On commence la semaine à l'extérieur. Après avoir été de Chicago à Milwaukee, on retourne de Milwaukee à Chicago. J'espère que là, à côté, après... C'est pas loin, hein. Pas loin du tout. Ouais, c'est un petit quart d'heure en quart, quoi. Un petit peu plus quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est deux équipes voisines. Et après, un trottinette, en moonwalk. Un petit footing, histoire de se mettre en jambes, quoi. Donc voilà, après avoir battu les Kings, mais perdu contre Chicago, là, les Knicks se sont rattrapés contre les Bucks. Est-ce qu'ils vont reperdre contre Chicago? Ça, vous allez nous dire, on va en vous en parler après avec notre prono. Derrière, après Chicago, on ira à Boston. Les Celtics qui sont assurés de terminer premier. Est-ce qu'ils auront l'occasion de reposer quelques premier joueurs en tout. Peut-être. Ils sont assurés premier de finir en tout, premier. Hein. Ils ont l'avantage du terrain jusqu'au final NBA. Encore faut-il aller jusqu'en finale NBA. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ils recevront les Knicks pour leur avant-avant-dernier match de saison régulière. Retour à la maison. C'est comme ça qu'on dit. Hanté, pénultième. Ouais, c'est dur. Compliqué. À cette heure-ci, j'arrive plus. Bon, vous m'avez compris. En tout cas, ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'aligner toute leur armada. Mais ceci dit, ils ont un effectif assez deep aussi. Donc, il faudra se méfier. Et pourquoi pas aller chercher une victoire de prestige. Si on veut viser les 50 wins, ça pourrait être intéressant. Si on veut viser une très haute place, pourquoi pas être dauphin de ces Celtics? Ça serait l'occasion de les battre chez eux, pourquoi pas. Derrière, retour à la maison, et qui est-ce qu'on reçoit? Bah, le voisin, tout simplement, les Nets. On l'a dit, plus grand-chose à jouer, ils n'ont même plus leur pic de draft. Qui vont-ils faire jouer? On ne sait pas. Dennis Smith Jr., peut-être. Michael Bridges, qui viendra refaire copain-copain avec les gars de Nova, on ne sait pas. Ça sera en back-to-back, parce que oui, back-to-back, il y aura un back-to-back. Ouais, trade. Et du tampering ou pas, à voir, du tanking ou pas. Mais en tout cas, ça sera un match en back-to-back après avoir joué à Boston. Il y aura la réception des Brooklyn Nets au Madison Square Garden. Et pour finir, donc cette saison, ça sera les Chicago Bulls. Donc deux fois les Bulls cette semaine, 3 fois en 2 semaines. On vient les connaître, en tout cas. Hein. Eux auront peut-être aussi à cœur de se reposer un peu avant le play-in, parce qu'ils vont avoir une échéance importante à jouer, sûrement contre Atlanta. A priori, il n'y a pas d'autres clients que Atlanta. Et voilà, est-ce qu'ils auront aussi l'occasion de se préparer contre un gros adversaire? D'ailleurs, je me demande même si ils ne sont pas assurés d'avoir l'avantage... Bah pour l'instant, c'est pas confirmé si on regarde encore une fois le classement. Il y a non, un match d'écart entre ces deux sont équipes. 37-41, 36-42. Oui, non, pas encore. Tout va dépendre de la semaine, tout va dépendre de qui joue comment. Mais effectivement, c'est peut-être un match en roue libre. comme un match pas, arrangé pour ou pas, eux. ils peuvent finir dixième, et bon, après, ceci dit, c'est pas cadeau, parce qu'après, et le premier tour du play-in, enfin, on va en parler après. Donc voilà, donc 4 matchs au programme pour finir cette semaine. Des équipes Ouais. de l'Est, de l'Est, de l'Est et de l'Est. Voilà, ça jouera pour la Vous conférence croirez Est bien un petit peu avec d'Est? juste une équipe qui n'a rien à jouer, c'est les Brooklyn Nets. Comme quoi, le temps passe vite, les cycles sont courts en NBA, hein, n'est-ce pas, hein? Tu nous donnes un Ouais. petit peu la forme du moment des uns des autres, et Ouais. puis après, Bon, on après, partira sur le match tu dis une attendu et les équipe, prédits. tu dis une équipe qui n'a plus rien à jouer. Bon, hormis les Celtics, est-ce qu'ils ont encore en cette fin de saison quelque chose à jouer? Pas se blesser, Bon, alors, garder la donc forme. on a les Bulls. Donc on a les Bulls qui ont Alex Caruso, qui est actuellement un peu voilà, en délicatesse. Hein, pour l'instant, il serait questionable. Les Bulls sur leurs 5 derniers matchs, eh ben, c'est win-lose, win-lose, win-lose. Donc ils ont gagné contre nous, ils ont perdu contre Atlanta, ils ont gagné contre Minnesota. Ils ont perdu contre Brooklyn et ils ont gagné contre Indiana. Tu vois. Voilà un petit peu Va les. Voilà un comprendre, petit va peu comprendre. les. Ouais, donc ça, c'est vraiment les montagnes russes sur les 5 derniers matchs. Hormis ça, sinon, bah, ils ont leur équipe qui est au taquet, hormis Caruso, ouais, comme on en parlait. Les Celtics, bah, les Celtics, c'est simple, hein. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est Faut se contrôler, 4-1. quoi. Parce que le dernier, ils le perdent contre Atlanta. Alors, est-ce qu'on commence pas à À reposer un reposer. peu les cadres, hein? Même si ça va quand même en overtime. Donc, c'est ce que je viens de dire n'a aucun sens. Tu repose pas les... tu Bon, les reposes quatre, pas si tu les fais la cadres prolongation. sur un overtime. Ouais. Ou alors vraiment, c'est que tu as ton banc qui était au taquet et je vais te le dire tout de suite. Non, tu as Tatum qui joue 45 minutes, Porzingis 41, White 41. Donc non, tu as tout le monde qui est là, tu as ton équipe qui est au complet. Sauf Al Horford qui jouait pas. Et ils ont Mikhaïl Luk, tu te rappelles de lui? Est-ce que tu te Eh oui, rappelles? notre ami ukrainien passé il y a une ou Oui. deux saisons à New York. Bon, Ouais, passé, ouais, vite fait. Hein. On l'a ouais. peu vu Voilà, bah, écoute, sous le maillot des Knicks. Hein. bon, il n'a Zvi. aucun rôle, hein, mais c'était histoire de dire son nom, ça fait toujours plaisir. Bon, voilà, tu l'as dit. Hein. Un bilan de Ah. 62-16, assuré de finir, assuré d'avoir l'avantage du terrain jusqu'au final NBA, équipe qui est calibrée pour y aller. Bon, écoute, moi je... Pas de pronom Je pense encore, que pas de pronom encore, pas de ils pronom. peuvent commencer à faire tourner un peu. Mais Ensuite, oui. on continue avec les Brooklyn Nets. Eh bien, les Brooklyn Nets, en cette fin de saison, tu vois, alors, ils ont gagné contre Détroit. Bon. Ils ont gagné contre Indiana. Ça fait plaisir. Merci, les Nets. Bon, après, derrière, ils perdent contre eux. Ils perdent contre les Lakers. Et ils gagnent contre Chicago. Donc, bizarre. Bizarre aussi, là, tu vois, Ils nous aident. Ils nous aident indirectement. le Voilà, les calendrier. voisins, Ouais, finalement, ouais. aidants. Enfin, c'était dans l'instance inverse, en fait. Ils gagnent contre Chicago, ils perdent contre les Lakers et contre Indiana, ils gagnent Indiana et ils gagnent les 3 Pistons. Donc, ben, écoute, ils sont, voilà, ils sont, comme tu l'as dit, ils jouent plus rien. Je crois qu'ils resteront collés à cette 11e place. Malheureusement pour eux, ils ont pas de pick. En tout cas, leur pick n'appartient pas, il n'est pas protégé. Donc, Houston, qui a fait une très belle saison, ben, va récupérer un magnifique lottery pick. Sans rien demander, donc bravo pour eux. Voilà, ils ont actuellement Dennis Smith Jr. qui est out, Nick Claxton qui est out, Dorian Finney-Smith qui est out et Cameron Johnson qui est out. Donc ça fait quand même beaucoup de gens out au niveau de Ouais, les l'injury vacances se report, quoi. rapprochent du côté du Brooklyn Bridge. Hein. C'est ça. Et donc les Et Bulls qu'on pour retrouverait, les donc Bulls, eh ben écoute, on leur fait le petit 7-6. point juste avant. Ça n'a pas changé. Caruso est toujours à noter questionable. Alors, s'il y avait un match dans ce quatuor de matchs, c'est cette semaine, que tu devais regarder avant tout, lequel serait-il? Le premier match des Bulls, parce que pour moi, le premier match des Bulls, pour moi, si on le gagne, on est qualifié en playoff. Pour moi, si on le gagne, c'est terminé. On a 3 victoires d'avance désormais sur le 7e. Oh non, on a pas 3 victoires, on a 2 victoires d'avance sur le 7e et 1 victoire d'avance et 3 victoires d'avance sur le 8e, pardon. Pour moi, si on le gagne, ça, Trop de maths. on mouline, mais pour moi, si on le gagne, on est qualifié en playoff, quoi. Donc voilà, Ok. pour moi, ce match des Bulls est le plus important. Il faut le prendre, il faut enchaîner. Et là, on a une équipe qui commence à tourner. Voilà, tous nos joueurs sont revenus. Tous nos joueurs qui devaient revenir sont revenus. Bon, je ne parle pas de Juice, évidemment, hein, mais tous nos joueurs qui devaient revenir sont revenus. Ils sont là. Donc let's go quoi. Allez, Donc toi, ce c'est ton match est match. important, on le prend et ouais, pour moi Donc c'est... pour toi, si on Ouais, gagne ce match, c'est bon pour les playoffs. Ok. pour moi, ouais, parce qu'après les Celtics, ça va peut-être faire tourner, ça sera un match un peu bizarre. Les Nets, non, et puis le dernier match contre les Bulls, si on est déjà qualifié en playoff, on risque un peu voilà, de jouer. Pour moi, c'est le Hey, dernier match à vrai 50. vrai enjeu. La marque à 50, c'est Encore important. Moi, faut-il pour moi, encore faut-il que ouais. si le premier match face aux Bulls permet de se qualifier, moi j'ai envie de dire que si on gagne les Celtics, on est champion. Voilà, c'est ça. Donc moi, ça sera plutôt le match face aux Celtics que je vais attendre. Alors oui, je ne sais pas trop qui les Celtics, Joe Mazzulla, va aligner, mais j'ai envie de voir cette opposition de OG Anunoby face au Brown Tatum. Pour moi, c'est On n'a un pas profil qui a été existé jusqu'à recruté, présent entre face aux Celtics. autres, pour... Oui, mais on n'a pas joué non plus avec OG. Donc j'ai envie de voir cette opposition. Est-ce que effectivement il y aura tout l'effectif? Est-ce que ça va faire un peu de load management? Peu importe. En tout cas, ça sera peut-être une répétition de joutes qu'on pourrait avoir, pourquoi pas en playoff. Beaucoup ont peur justement du parcours des Knicks en playoff parce que, ok, il y a un premier tour, mais c'est derrière le second tour qui interroge. Retomber dans le bracket, dans le tableau des Celtics, ça inquiète. Effectivement, Moi, les ils ont Celtics, déroulé toute la saison. il leur reste 4 matchs aux Celtics. Comme nous. Donc, ils vont jouer avant nous, ils vont jouer Milwaukee. Et après nous, ils jouent Charlotte et Washington. Ouais. Donc, là, tu vois, bon, peut-être que contre Milwaukee, ça va risquer peut-être pas forcément de dévoiler ses forces, parce que c'est quand même une équipe qui peuvent retrouver en finale de conférence. Ouais, contre New York, ça peut aussi être dans le Après, tableau, ça donc. peut véritablement faire tourner quoi. Donc ils sont quand même Mais sur une voilà. saison incroyable. C'est le 72 match, 16. qui m'intrigue le plus cette semaine, sachant que oui, comme toi, je suis Mais c'est d'accord qu'il faut surtout la gagner confrontation Chicago 3. Tatum OG qui te t'as envie de voir ça C'est surtout. ça. Mais depuis un moment, en fait, parce que effectivement, on l'a vu déjà OG là sur le duel face aux Bucks, face à Giannis. C'était pas facile, c'était pas évident, mais Giannis n'a pas non plus livré un énorme match. Donc à voir si OG arrive à répondre à ce défi. Je pense que oui. Mais est-ce que ça permet aux Knicks de faire Si on a des ambitions, il va le gap falloir supplémentaire? qu'il le fasse. Oui. Voilà. Donc ça sera moi le match que j'attends. Bien sûr, la viewing de dimanche et en fait tous les matchs, hein, on est d'accord. Allez, l'heure du prono. La semaine dernière, j'étais parti sur un 3-0. Bon, ça a fini en Moi, 2-1. j'ai Toi, dit t'étais plutôt 2-1. sur Je un me suis trompé 2-1. sur les matchs. Ouais, mais honneur à toi, t'as eu bon sur le prono, donc à toi. Même si t'avais pas le bon ordre, t'as le bon résultat. Donc cette semaine, 4 matchs, combien de victoires? 1, 2, 3, 4, 0. Ouais. 3-1, et donc une défaite qui serait contre... Boston. Ok, ok, Ah, d'accord. ils nous réussissent pas et Et tu penses je qu'ils ont sais envie pas de si nous plus que sweeper, parce que ça serait le cinquième match contre eux, ça ferait cinq ouais et défaites je cette saison? ouais, c'est ça, à chaque fois on n'a pas existé, ils ont été très forts. Comme toi, c'est vrai que cette confrontation OG Anunoby, Jason Tatum et alléchante et à voir comment ça va se comporter. Le problème, c'est que Boston n'a pas que Tatum dans son effectif. Ils ont d'autres mecs. Lue Après, ce que je me Cornette, dis, c'est que. Porzingis, Mais après, tu vois, ce que Zvi. je me dis, c'est que tu vois, là, tu viens de perdre contre Atlanta. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, psychologiquement, de la part des joueurs, un peu de relâchement en cette fin de saison et de se Ouais, c'est dire, bon, compréhensible. on va peut-être pas forcément jouer à fond avec un risque de blessure. Ça peut jouer. Cependant, je pense que quand même, bon, j'ai peur qu'on le perde. Mais un 3-1 Un bon résultat quand même. serait déjà exceptionnel. On resterait encore une fois aux portes des 50 wins. Mais ça nous ferait quand même une saison à 49-33. Et Une ça serait saison magnifique. avec une bonne partie de la saison passée sans les titulaires, Julius, Mitch Aussi, et OG. Donc faut voir aussi. aussi le niveau de performance de l'équipe, le niveau de Donc, constance dans l'effort. Donc ouais. ce match contre les Bulls, là, d'entrée, là, on le prend chez eux, pas deux fois d'affilée. On perd contre Boston, et derrière le match à la maison contre les Nets, il n'y a pas match. Et c'est un peu voilà, la fête à Nonneux, le dernier match contre les Bulls, mais on l'emporte. Ok. On Eh bien, l'emporte, voilà. Et écoute, après, à on mon signe les maillots, on tour. signe les jerseys, on signe tout ça. Voilà. Et surtout, on ne se blesse pas. À mon tour de me lancer sur le prono. Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de finir en apothéose. J'ai envie de finir avec un 4-0. Tu le voyais venir, tu t'en doutais. Eh bien, oui, 50 Avec victoires, pourquoi avec pas? le retour de Julius Randle ou pas? Au prochain épisode. Dans un Ah prochain épisode, hein. Sûrement la saison prochaine. En tout cas, on aura d'autres épisodes entre-temps. Mais oui, non, 4-0. Peut-être que les Celtics vont faire tourner l'effectif. Et ça sera l'occasion de voir un pseudo-duel avec OG. Mais ouais, on a perdu 4 victoires, 4 matchs déjà contre les Celtics. Un pseudo-match de prestige à les gagner chez eux là-bas, pourquoi pas. Après, on l'a dit, back-to-back face aux Nets. Mais voilà, Nets et Bulls sur les deux derniers matchs. Pas trop d'intérêt pour ces équipes-là à se donner à fond. Et les Knicks, surtout Chicago, pas de si un blessures. On peu. fait tourner l'effectif avec moins de temps de jeu quand même, parce que Tom, va falloir faire souffler un peu tout le monde. Peut-être que Brunson va être un peu mis au repos, mais on a vu que McBride était plutôt bon. À voir si on a ton petit Shake Milton là que t'aimerais bien voir. Hein? On peut Pourquoi pas? avoir un burst game peut-être, tu vois? Alors, Peut-être. il est passé en DNP, j'ai du mal à le revoir réémerger dans la rotation. Mais j'ai envie de dire, sur le back-to-back, là, sur le match face aux Nets, il y aura peut-être un peu de load management maintenant, histoire de voir où sont positionnés les Knicks au classement. Et si tout va bien, allez, on Et tu allège un sais petit peu l'agenda que de tout le monde, quoi. les play-in à l'Est Le vont 4-0 être pour sympas moi. parce que si la 4-0. photographie reste comme ça, un Philadelphia Sixers Miami Heat, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés l'année dernière ou quoi, mais c'est une affiche normalement ça, de demi de conf, ça. Hein, Il y a bien sûr et ça va de être. Joel Embiid qui a changé beaucoup de choses dans le classement de cette conférence Est, il faut Donc. pas l'oublier non plus quoi. On avait C'est plutôt une ça. équipe qui Et était donc. vocation à être sur le podium. Donc attention, Ça attention, et même peut le faire. premier tour. Disons que je vois plus une glissade d'Indiana et Ouais. les Sixers qui, hop, s'y misent Top dans le top 6. 6. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, Et auquel cas, bah, la place de troisième serait peut-être pas forcément bonne à prendre. Bon, on verra tout ça. Il peut se passer encore beaucoup de choses cette semaine. Hein. Vous le savez, toutes les équipes ont pas mal de choses à jouer. Les Knicks, 4 matchs. Et puis, on vous le rappelle, on n'oublie pas l'événement à la fin de la semaine, dimanche, pour boucler cette saison en apothéose. La fête à neuneux pour certains. Peut-être le match des Déjà, 50 victoires. ça va être fini la saison régulière. Une C'est saison fou, hein, ça régulière de passe à une fini. vitesse. Ouais, mais les playoffs, ils s'annoncent savoureux. On en a déjà l'eau à la bouche. On espère avoir de belles séries. Est-ce qu'il y aura un retour, une revanche face aux Cavs, une revanche, enfin une nouvelle série face aux Cavs, une Je revanche veux face aux les Miami hits. Heat? Je veux le Miami hit. Ah, est-ce que c'est face aux Pacers? En tout cas, il y a quand même pas mal de monde. Le Magic, c'est jeune, mais bon, hein, il faudra peut-être leur apprendre le métier. Je Pas de sais pas, véritable on verra. rivalité avec le Magic d'Orlando. Non, l'ère avec le Shaq a été trop courte pour que réellement il y ait de grosses confrontations. Il y a peut-être eu une série? Je sais même plus. Je sais même pas s'il y a eu une série de playoffs face au Magic. Faudra qu'on regarde L'année un où peu ils les vont ligues en d'ici là. finale, l'année où ils vont en finale, on les rencontre Contre. pas. L'année où Orlando en 84, en 95 va en finale, on les Je sais rencontre plus. pas. J'ai le doute, j'ai le doute. Non, Le doute non, habite. non. Je me serais pas permis, tu l'as fait, voilà. On peut conclure l'émission sur cette histoire de doute, le doute raisonnable, le reasonable doubt. Bon, en tout cas, vous le savez, on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine, ce sera peut-être pas le lundi. Ouais, bref, vous ferez tout ça. Il y a du play-in, il va falloir voir un petit peu quels seront les adversaires des Knicks. Le rendez-vous arrivera bientôt sur KNF TV pour débriefer cette dernière semaine de régulière et surtout se projeter parce qu'on va basculer en mode play-off. Oui, Non, oui, oui. on les rencontre pas en 95, on se fait sortir par ces terribles Pacers. Voilà, c'était une autre histoire, c'était un autre adversaire historique et cet autre adversaire historique, il est en play-off, en tout cas en post-season, ça c'est certain. Bon, d'ici là, portez-vous bien, voisins du dessous, bonne semaine. Et ouais, c'est déjà fini la saison régulière, là. La semaine Et prochaine oui, terminée, 85 la épisodes, mais ferveur des playoffs. on va pouvoir tout de suite se projeter sur des playoffs et on attend avec impatience de connaître l'adversaire des Knicks. D'ici là, portez-vous bien, très très bonne semaine. Et puis laissez-nous tous les petits messages habituels en commentaire. On sera là pour y répondre, pour les lire avec plaisir et prolonger le débat autour de cette émission. Allez, bonne semaine à toutes et à Dites-nous si vous tous. êtes pour ou contre la blessure de Julius Randle. Moi, je crois que je Bon, suis contre la blessure de Julius Randle. le Bonne semaine à toutes et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer et célébrer ces 50 victoires. là, et on va savoir où on en est. Voilà. Allez, bonne semaine. À rendez-vous très vite sur KNF TV. Ciao, ciao! Ciao!